j'ai fait d'ici. Le reste la gang part en arrière avec leur dos, guitare et tuyère. Et dit t'as pas de choix. Ça sera un time comme tu vois. Tu barreras pas à 11h30. Mais je plaine, on y passe la nuit. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, c'est ton heure. Tes enfants reviennent dans tes bras. Acadie de nos cœurs, enfin c'est ton heure. Tes enfants reviennent dans tes bras. Acadie de nos cœurs, enfin c'est ton heure. Tes enfants reviennent dans tes bras. Acadie de nos cœurs, enfin c'est ton heure. Tes enfants reviennent dans tes bras. Voilà, chanson thème 2019. Pour le Congrès mondial acadien de 2019. Et il y aura tout un party du 25e, 25e anniversaire du Congrès mondial acadien. Le show du 25e aura lieu le 16 août au Parc Riverain à Moncton, avec entre autres 1755, Zachary Richard, Caillouche, Les Méchants Macros, Lenny Galland, Willem Thibodeau, Ronald Bourgeois, Donna Lacroix et bien d'autres, bien sûr. Donc, ça risque d'être toute une soirée le 16 août prochain du côté du Parc Riverain à Moncton pour le Congrès mondial acadien 2019. On va y aller aussi, petite nouvelle comme ça, du côté de Accro de la chanson qui va, dans le cadre du Congrès mondial acadien, les finalistes vont se présenter en spectacle. Et l'album a été enregistré du 11 au 16 mars. Il sera disponible et l'album va être lancé le 11 mai à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Accro de la chanson, qui est vraiment un concours fort intéressant qui incite les jeunes dans les écoles secondaires du Nouveau-Brunswick là, à faire de la musique en français. Je peux vous dire le nom des finalistes. Il y a Maud Saunier, Maxime Boudreau et Marie-Ève Caron en solo. Et pour les groupes, les Ananas, Constellation et les Quatre Réalistes. Donc voilà les finalistes pour Accro de la chanson 2019. 15e édition de ce concours-là, organisé par la Fédération de la jeunesse francophone du Nouveau-Brunswick. Bravo à toute la gang, je trouve ça super important et moi j'encourage ça depuis des années et des années. On retourne en musique justement avec la marraine de cette année, Julie Aubé et Seras-tu là? Par la suite, on va entendre « Road Trip » de M. Raphaël Buckler, qui est toujours en tournée ces temps-ci. Et de Buckler à Buckler, on va finir ça avec Edith Buckler. C'est ainsi que je vis de son album. Me semble l'album c'était Le Retour. Très bon album d'Edith Buckler. Mais pour l'instant, Julie Aubé, seras-tu là? Seras-tu là, baby, à m'attendre après mon show? Après les fêtes et les photos, tu sais mes chansons sont juste des mots. Et quand je reçois des grandes folies leurs applaudis, puis les gars m'offrent des cadeaux, seras-tu là au bal et au disco? Un jour bientôt, on se dira plus hello and goodbye. Je fais ce comme il faut. C'est fatigant voir sa face dans le métro. Impossible, passé incognito. Dis-moi pas que tu m'aimes juste parce qu'il faut. Ce n'est pas mon premier radio. Des nouvelles faces et des numéros. Et seulement le tien qui me revient en écho. Un jour bientôt, on se dira plus hello and goodbye. J'épuiserai tous mes mots et mes batailles. Puis je vais prendre ce slow. Je prends ce slow. Je prends ce slow, je passe comme il faut. assis devant la porte patio. Puis moi j'suis à côté sur le frigidaire. J'pense que j'm'ennuie un peu trop du temps qu'on restait en Angleterre. On s'était loué un appartement au-dessus d'un resto chinois. Il mouillait pas si souvent dans notre ville de Robin-des-Bois. Rappelles-tu de la campervan? On avait menti aux assurances, ça tombait toujours en panne, mais on prenait quand même la chance. Viens-t'en, on s'en va loin d'ici. On part, toi puis moi, sur la route. B57, avec le bruit des chars qui passaient par la vitre entrouverte, collés tous les deux en dessous de la couverte de laine. Et je savais que c'était vrai quand tu me disais je t'aime. See. m'émerveille encore de tout ce qu'il y a dehors. C'est ainsi que je t'aime au meilleur de moi-même, rien qu'à te regarder, instant d'éternité. C'est ainsi que je vis au milieu des galaxies. Je m'émerveille encore de tout ce qu'il y a dehors. C'est ainsi que je t'aime au meilleur de moi-même, rien qu'à te regarder, instant d'éternité. La grande dame de la chanson acadienne, Edith Butler, c'est ainsi que je vis. Très belle chanson tirée de l'album Le Retour. Album sorti en déjà quand même 6 ans. Hein? C'est novembre 2013 que ça a été lancé. Et si vous n'avez pas encore une copie de cet album-là, mettez la main là-dessus. Il y a 12, 13, 14 chansons. 14 chansons sur cet album-là. De très belles chansons, de très beaux textes, de très belles mélodies. Donc, ça vaut la peine. Et allez faire un tour sur Distribution Plage, www.plageavecuns.net pour vous procurer cet album-là qui est vraiment génial. Un album qui est génial, surtout si vous aimez le country, qui est aussi disponible via Distribution Plage, c'est l'album Couleur de Laurie Leblanc. Laurie Leblanc, qui est un artiste acadien, auteur, compositeur, interprète, qui a une très belle carrière au niveau de la musique country, mais au niveau de la musique en Acadie également. Très belle carrière, il travaille très fort, Laurie Leblanc, lui et son épouse, pour gérer cette carrière-là. Mais comme lui le dit souvent, ça se fait pas tout seul. Et le public est là derrière lui parce que le public aime ce qu'il fait. Et sans le public, ben il serait tout seul, le pauvre Laurie. Donc, Laurie Leblanc qui vient de lancer un nouvel extrait que je trouve intéressant, VIP. Bon, ça, il nomme des titres de ses chansons. Il dit, ben, si tu as connu Mojito, ben, t'es VIP, on va l'en dire que si tu m'as suivi depuis très, très longtemps, ben, t'es un VIP, puis t'es une personne vraiment très exceptionnelle parce qu'il aime son public et son public l'aime. Bien oui, c'était trop facile. Mais quand même, nouvel extrait pour Laurie Leblanc. De l'album Couleur. Allez mettre la main là-dessus si vous aimez du bon country. C'est vraiment très, très, très bien fait. Il y a de très bonnes chansons sur cet album-là. Et le nouvel extrait vient d'être lancé. Ça s'appelle VIP et ça s'adresse directement à son public, à ses fans. Donc, on va l'écouter avec grand plaisir. Voici l'auteur, compositeur, interprète de l'Acadie, Monsieur Laurie Leblanc avec VIP. Si t'as déjà connu la pitonne, pour moi t'es VIP. Ou tu te rappelles quand t'étais kériquet, pour moi t'es VIP. Même si quelqu'un te dit cher, tu me coûtes cher. T'as jamais vu les lianes de Louisiane. Sans toi, j'aurais juste pas de VIP. Si t'as déjà bu des mojitos, pour moi t'es VIP. Ou la hombro du beau-père, pour moi t'es VIP. Même si t'as déjà tes gants sur un buzz, ou pas été élevé au five course meal, sans toi j'aurais juste pas de VIP. Es-tu VIP? Es-tu VIP? Es-tu VIP? country reggae, pour moi t'es VIP. Oh, tu chantes avec les brevachons, pour moi t'es VIP. Même si t'aimes ça quand la pêche est finie, et t'aimes pas ça te faire chatouiller, sans toi j'aurais juste pas de VIP.